إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on continue avec notre livre Al-Ilm, Fadluhu wa Sharafuhu, la science, ses bienfaits et sa noblesse. Nous sommes arrivés donc au Al-Wajhu Al-Thani Ashar Ba'd Al-Mi'ah. Donc le point 112. Al-Ulama Umana Al-Sharia. Umana Al-Sharia. Donc les savants sont les dépositaires de la Sharia, ou les personnes de confiance de la sharia. Anna Allah subhanahu ja'ala al-ulama'a wukala'a wa umana'a ala dinihi wa wahyihi wa ristadahum li hifdihi wa al-qiyami bihi wa al-dhabi anhu wa nahika biha manzilatan sharifatan wa manqabatan azimatan fa yaqulu ta'ala dhalika hudallah يهدي به من يشاء من عباده لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إن يكفروا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Donc sur l'An'am du verset 88 à 89. Certes, Allah Azza wa Jal a placé donc des wukala, des personnes qui sont donc suppléantes, des gens de confiance pour sa religion et sa révélation. Et les a choisis, subhanahu wa ta'ala, donc les a agréés afin qu'ils protègent et qu'ils mettent en application et qu'ils protègent donc cette science. Donc du fait que ces savants-là ont une place donc noble et une grande importance, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, voici donc la guidée d'Allah, il guide avec elle, à partir d'elle, qui il veut parmi ses serviteurs, et s'ils associaient, leurs actes seraient vains. Ce sont eux dont nous avons donné le livre, ainsi que donc la loi et la révélation ou le message. Même si, donc, si certains mécroient en cela, certes, nous avons donc pris, nous avons donc donné la responsabilité à des peuples qui ne sont pas donc mécréants. Nous avons donné la responsabilité de ce Coran à des peuples qui ne sont pas mécréants. وَقَدْ قِيلَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَقِيلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ كُلُّ مُؤْمِنٍ. Donc certains ulama ont dit que lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de cette personne-là dans ce verset-là, ou ces versets-là, ce sont les Anbiya, les messagers. Et certains savants ont dit, ce sont les compagnons du prophète, radhiyallahu anhum. Et certains ont dit, cela donc est valable pour tout croyant. Hadi ummahatul aqwal, ba'da aqwalin mutafarri'a an hadihi. Donc ce sont les trois, il y a plusieurs paroles vis-à-vis de ce verset, et ce sont les trois donc, paroles les plus importantes, et celles qui sont recueillies par rapport à cela. كالقول من قال هم الأنصار أو المهاجرون وأنصار أو قوم من أنباء فارس أو أبناء فارس وقر آخر هم الملائكة وقال ابن جرير الطبري رحمه الله وأولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين سماهم في الآيات قبل هذه الآية. Donc ابن جرير رحمه الله il dit que la parole la préponderante et la plus proche de la vérité, ce sont les envoyés, donc les 18 envoyés ou messagers qui ont été mentionnés donc dans les versets qui sont juste auparavant. Du fait qu'il y a un lien entre les deux fois, donc la suite des versets. قال وذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنه مضى. Pourquoi? Parce que donc il y a eu auparavant donc une annonce dans les versets en parlant de ces prophètes là. وفي التي بعد عنهم ذكر. Et car il y a encore, après ces versets-là, les envoyés, les messagers sont encore mentionnés. Avant et après. Comme ce verset se retrouve au milieu, entre les versets qui mentionnent les envoyés, et après c'est entre les, donc les versets qui mentionnent les envoyés. C'est pour ça que Nujari al-Tabari, rahimahullah, donc dit que le tafsir revient aux envoyés. فما يليها بأن يكون خبرا عنهم أولى وأحق بأن يكون خبرا عن غيرهم. Donc le fait donc de ce qui vient après et qui mentionne donc le, l'annonce de cela, donc passe avant, va donc prévaloir et sera plus donc en plus de droit de dire que ce sont les envoyés par rapport à la fait de dire qu'en réalité ces versets sont pour d'autres, sont pour d'autres. فتأويل, et l'explication de ce verset. فَإِنْ يَكْفُرُوا قَوْمُكَ مِنْ قُرَيْشِ يَا مُحَمَّدْ بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا بِهَا وَجَحَدُوا حَقِيقَتَهَا فَقَدْ إِسْتَحْفَظْنَاهَا وَسَرْعَيْنَاهَا الْقِيَامَ بِهَا رُسُولَنَا وَأَنْبِيَاءَنَا مِنْ قَبْلِكَ. Si donc ton peuple parmi les gens du Quraysh, ô Mohammed, mécroit en nos signes et mente donc sur nos signes et rejette, donc il renie nos, la réalité de nos signes, certes nous l'avons protégé. Nous avons protégé et nous sommes garants de quoi et responsables du fait que ces signes vont être clairvoyants, il y aura le qiyam biha, comme quoi ils vont bien exister donc chez les gens par nos envoyés et nos messagers, c'est-à-dire par les envoyés et les messagers qui étaient même donc venus avant toi. الذين لا يشهدون حقيقتها ولا يكذبون بها. Ceux qui ne renient pas leur réalité de ces, la réalité, la véracité de ces versets, et ni ils mentent. ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها. Mais plutôt, donc ils croient en cela, donc ils disent que cela est véridique, et ils croient aussi en sa réalité. Et après, Shir nous continue de dire وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا لِلْأَنْبِيَا أَصْلًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ تَبَعًا وَحَقُّ مَنْ دَخَلَ فِيهِمْ أَتْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خُلَفَاؤُهُ فِي أُمَّتِهِ وَوَرَثَتُهُ فَهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِهَا وَهَذَا يَنْتَظِمُ الْأَقْوَالَ الَّتِي قِيلَتْ فِي الْآيَةِ. Il n'y a pas de doute que ce verset revient aux envoyés à l'origine. Et les musulmans donc vont les suivre, donc le fait qu'ils vont les suivre. Et ceux qui méritent le plus donc d'être décidés ou d'être dit ou d'être choisis donc dans ces versets, ce sont ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses successeurs dans sa communauté et ses héritiers. Ce sont eux qui ont donc qui ont la responsabilité donc de ce livre et de ce hukm, donc de ce de cette science. Et voilà donc, c'est, en vérité, on voit bien que ces paroles-là, c'est bien celles qui ont un rapport en vérité avec le verset, les versets qui sont venus. Al-Wajhu al-Thalith wa Ashar ba'd al-Mi'a. Al-Ulama'u 'Udul al-Umma. Le 113e point. Les savants, donc, sont les personnes justes de cette communauté. Wa ma ruya 'an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam min wujuh muta'addida. Donc, il y a bien sûr, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, plusieurs paroles et qui ont à voir avec plusieurs, donc qui sont attrait avec plusieurs points différents, plusieurs sujets différents. Annahu qala yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin 'uduluhu yanfuna 'anhu tahrif al-ghalib wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc a dit ici, donc porte cette science chaque donc successeur juste. Donc chaque personne qui porte cette science fait partie donc est une personne juste. Il rejette de cette science donc la fausse explication de ceux qui exagèrent. Et aussi donc intihal al-mubtilin, donc l'habillement, ceux qui veulent en vérité donc changer les sens aussi, qui veulent déguiser donc la science en autre chose, al-mubtilin, afin d'annuler ce qui annule. Et toujours ta'wil al-jahilin, et toujours donc la ta'wil, c'est toujours aussi la fausse explication des jahilin. Et tahrif, c'est le fait de changer de sens. Et ta'wil, ça revient même, à peu près. Donc ta'wil al-jahilin. Donc on voit qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre qu'il y a ce qui réellement protège Donc la science, comme elle a été venue de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux, donc l'udoul. Tandis qu'il y a des gens qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire ça, alors qu'ils se trompent, ou ils font exprès de se tromper, car ils font passer donc leur raisonnement, ou leurs idées, ou leur passion, avant l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكل المذكور في الآية فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب. Donc ici, c'est pour montrer, donc ici, que ce verset-là donc montre par rapport au, donc au hadith, ce hadith montre le verset qui est auparavant. Comme quoi, donc il y a des gens qui tiennent, qui portent cette science-là, et donc ce sont eux les garants de cette science-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam après nous a annoncé que chaque personne juive de cette communauté, donc porte, donc cette, chaque savant de cette communauté, et qui porte cette science-là parmi les successeurs, donc est juste. Pourquoi? Afin que la religion ne soit pas perdue et qu'elle disparaisse. C'est afin de pouvoir, pour qu'il y ait le hifz de la religion. وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به وهو المشار إليه في قوله هذا العلم. Donc ici, ils sont justes pourquoi? Parce qu'ils portent clairement cette science. C'est pour ça qu'ils sont justes, parce qu'ils propagent la science comme l'a propagé le prophète صلى الله عليه وسلم de la même façon. الوجه الرابع عشر بعد المئة بقاء العلم ببقاء الدين والدنيا. Donc le 114e point est donc le baqa, donc la religion demeure et reste et perdure, donc tant que la religion, tant qu'en réalité donc la science demeure, la dunya et la religion demeurent. Tant qu'il y aura la science, il y aura donc la dunya et la religion. Inna baqa ad-din wa ad-dunya fi baqa al-ilm. Certes, le fait que la religion et la dunya, donc la vie d'ici-bas, demeure, c'est par le fait que la science demeure et perdure. Wa bi dhahab al-ilm tadhhab ad-dunya wa ad-din. Et si la religion part et termine à disparaître, donc la dunya et la religion aussi va disparaître. Si la science disparaît, la dunya et la religion vont disparaître. فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم. Le fait de faire donc demeurer cette religion et cette dunya est par le biais de la science. فقال الأوزعي رحمه الله قال ابن شهاب الزهري الاعتصام بسنة النجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. Comme l'a rapporté donc Abdallah ibn Mubarak fi Zuhd wa Ibn Abdul Bar fi Jami'. Donc ici Al-Awza'i dit rahmoullah, donc Ibn Shihab Zuhri dit que s'accrocher à la sunna, c'est le fait donc al-najat, c'est le fait de se sauver. Al-i'tisam, s'accrocher donc fortement à la sunna, c'est al-najat. Et la science va être retirée de façon rapide, très rapidement. Donc, Nash, le fait de sculpter, le fait de graver, donc la religion, le fait d'être ancré dans la science, c'est le fait d'être érudit dans la science, va faire que la religion, elle va être raffermie, ainsi que la dunya. Et la religion va disparaître, donc si la religion disparaît, tout cela disparaît. Si la science est raffermie, la religion est raffermée. Si la science elle disparaît, la religion elle disparaît. Car la religion est basée à partir de la science. وقال ابن وهب أخبرني يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنه كانوا يقولون الاعتصام بالسنة النجات والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثابت الدين والدنيا وذهب العلم ذهب ذلك كله. Donc c'est la parole qu'on a dit donc auparavant pour montrer il y a pas de ilm, il y a pas de religion, il y a du ilm, il y a de la religion. الوجه الخامس عشر بعد المئة. Le 115e point, العلم رفعة لصاحبه. La religion élève donc la personne de science. La, ou plutôt la science élève la personne de science. La science élève donc celui qui est savant. أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ولا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. Donc certes la science élève donc la personne de science dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà et ne l'élève pas donc la royauté, le fait de gouverner ou le fait de posséder ni les biens et pas les deux en même temps ou pas autre chose plutôt que cela, pas autre chose que ces deux points. فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد الملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. Donc, la science élève le noble, va élever la personne noble et va leur, donc lui rajouter en noblesse. Et aussi, elle va élever donc le serviteur, l'Ab, même s'il était esclave, en roi, jusqu'à ce qu'il soit assis comme s'il était assis. Donc, on va l'asseoir comme si on assiait un roi. كما ثبت في الصحيح مسلم من حديث الزهري عن أبي طفيل أن نافع ابن عبد الحارث أتى عمر ابن الخطاب في بعصفان. عصفان سي au nord-est de Mecca. Nord-ouest, à fond de Mecca. Donc Mecca, Jedda, عصفان c'est là. Mecca c'est là, Jedda c'est là. Imaginez-vous. Parce que ça c'est un petit peu nord-ouest. Et عصفان il est là. C'est pas loin, 80 km à peu près. Et, entre parenthèses, عصفان, comme c'était à 80 km, et comme Ibn Omar vivait là-bas, partait des fois donc, dans ces endroits-là, il prie, quand il arrivait là-bas, il faisait donc, il priait de Raqqa. De là, on prie El Malikiya, donc le fait qu'à partir de 80 km, on prie donc le Safa. Le Safa est considéré à partir de 80-83 km. Ça vient de. C'est une des villes, parmi les villes, donc عصفان. En fait, vous voyez un petit peu donc, la situation ici, donc géographique. وكان عمر استعمله على أهل مكة. Et Omar donc a placé donc ici donc le Nafir ibn Abd al-Harith, il a placé donc dans un poste à Mecca chez les gens de Mecca, donc il était gouverneur chez les gens de Mecca. فقال له عمر من استخلف يعني استخلف على أهل الوادي. Qui as-tu donc c'est-à-dire donné, qui est ton successeur quoi chez les gens du Wad, parce que Mecca on l'appelle Al-Wad aussi, Al-Wad al-Mubarak Mecca. على أهل الوادي الذي قال استخلفت عليهم ابن أبزع. Donc j'ai placé comme successeur, comme personne qui me succède, donc ابن أبزع. قال من ابن أبزع. Qui est ابن أبزع. قال رجل من موالينا. Un homme parmi nos serviteurs, بمعنى nos esclaves, nos serviteurs, donc il n'est pas libre. Il ne se possède pas lui-même. Il appartient à son maître. Donc il dit donc قال عمر استخلفت عليهم مولا يعني مولا استخلفت عليهم مولا. Tu as placé chez aux gens de Mecca, donc tu as mis comme gouverneur chez les gens de la Mecque un esclave. On a ça qui ici aux gens de la Mecque, Quraysh, Sadat al-Arab en plus. Imaginez-vous, c'est à la Mecque. C'est pas quelque part de loin, loin un village, un endroit. Non, c'est Umm al-Qura. Donc pour bien comprendre la situation, tu as placé donc comme gouverneur chez les gens de la Mecque, donc un maoula, donc un esclave. Qala annahu qari'un li kitabillahi 'alimun bi fara'id. Certes, il lit, donc il connaît, c'est pas bil qira'a. C'est pas juste par rapport à la lecture. Il connaît le livre d'Allah et il est savant dans la science de l'héritage. Et quand ils disent à l'époque al-qari, c'est pas juste yaqra, c'est aussi ya'rif al-ma'na wa ya'mal bih. Il connaît le sens et il met en pratique. C'est pas juste le hibb. Ça, c'est pas suffisant. Il faut derrière aussi la compréhension, la mise en pratique. Sinon, le hibb, sans mise en pratique, c'est contre toi le Coran. C'est toi qui vas payer devant Allah yawm al-qiyamah. Parce que tu connais, tu connais par cœur, tu ne mets pas en pratique. Alimul bil fara'id. Donc savant de l'héritage. Il était ma'ruf parmi certaines sciences. La science de l'héritage, si on savait que telle personne faisait partie des savants qui connaissaient l'héritage, donc on savait qu'il faisait partie des grands savants. Pourquoi? Parce que la science de l'héritage était une science qui disparaissait. Qui était donc qui, la première science qui disparaît, c'est l'héritage. Et comme il y avait donc ici parmi les savants, certains savants qui étaient savants de l'héritage, donc on savait qu'ils faisaient partie des grands savants. Qala Omar, imma inna nabiyakum sallallahu alayhi wa sallam qad qal inna allaha yarfa'u bihada al-kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Tout de suite, qu'est-ce qui vient à l'esprit de Omar ibn Khattab? Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on ne va pas le faire, les gens ils vont dire, il va se passer là. Il a mis en avant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tout ce que tu peux t'imaginer. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? On aurait fait ça? Ou bien directement, on aurait dit, non, il faut le retirer, s'écrouler, ça va. Il y en a, ils vont commencer à parler, il y aura des jaloux, il y aura ceci, c'est ça, datul qom, il a khirik. Là, rien que tout ça. Ils ont fait passer tout de suite. Fabaz al c'est une preuve qu'il était waqaf. Il était donc s'arrêter là où Allah donc ordonne dans le livre d'Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'il revient ici, il dit certes Allah, donc par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah élève à partir de ce livre, le Coran, des peuples et en rabaisse d'autres. Il aurait pu avoir même des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'ont pas ce niveau de science et l'akhiri. C'est pour montrer que c'est le livre qui comptait. Ce qui compte, c'était l'ilm. On ne regarde pas d'où vient la personne. Qala Abu al-Aliya, kuntu ati ibn Abbas, wa huwa ala saririhi, wa hawlahu Quraysh, fayakhudhu biyadi. Abu al-Aliya disait, donc j'allais voir ibn Abbas, alors qu'il était sur son lit, sur sa couche, et autour de lui, les gens de Quraysh. Encore une fois, sadat al-Qom. Il me prenait par la main. Fayakhudhu biyadi. Fayujlisuni ma'ah, ala saririhi, Fadaramaza bi Quraysh. Il me faisait asseoir à côté de lui et les gens de Quraysh, donc on voyait en réalité donc dans leur visage quelque chose. Taramaza bi Quraysh. Les gens de Quraysh donc montraient, ils étaient renfrognés, ils montraient en réalité qu'ils détestaient cela. Fafatan lahum, Ibn Abbas a remarqué cela, donc leur geste. Fakal, kaza hada al-ilm. C'est comme ça la science. Parce que Abu al-Aliya, c'est un savant, c'est un shir. يزيد الشريف شرفا ويجزئ الملوك حتى على الأسير على الأسير يعني. Il augmente la personne noble, lui rajoute en noblesse et l'assit donc يجزئ الملوك il s'assit avec les rois sur le lit. يجزئ الملوك على الأسير. نعم. Et ça existe encore, alhamdulillah, quand c'est que Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi, donc les rois qui l'ont côtoyé, fait ce rodia, s'abaissent, se sont abaissés pour lui mettre ses chaussures. C'est bien que là-bas, ils sont souvent en claquettes. Souvent, c'est des claquettes, ça, là. Il est aveugle, Cheikh Ibn Baz. Le roi, il s'abaisse et lui met ses claquettes. Pour montrer toujours donc, l'importance, en vérité, des ulama. Qala Ibrahim al-Harbi, kana Ata ibn Abi Rabah, vous entendez pourtant parler de ce grand salaf. Il est abdan aswad l'imra'atin min ahli Mekka. C'était un serviteur noir, donc d'une dame de Mekka, d'une femme de Mekka. Wa kana anfuhu ka annahu baqillahu. Et son nez ressemblait à une fève. La fève, elle a une belle forme. Donc il montrait que, il explique comment il était. Qala wa ja'a Sulayman ibn Abd al-Malik, amir al-mu'minin. Donc l'émir des croyants, le khalifa, donc Sulayman ibn Abd al-Malik vient. Il a ata wa huwa, huwa wa abnahu. Sulayman vient le voir, lui et ses enfants. فجلسوا إليه وهو يصلي. Ils se sont assis à côté de lui alors que Ata ibn Abi Rabah, esclave, priait. فلما صلى انتلف إليهم. Lorsqu'il a prié, donc il s'est retourné vers eux. فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج حتى حول قفاه إليهم. Donc, ils l'ont questionné sur le Hajj. Il leur a répondu jusqu'à ce qu'il s'est retourné. Il s'est retourné, donc on voyait donc sa nuque. Il a terminé avec eux. C'est un serviteur, c'est Amir al-Mu'minin, c'est le roi, c'est ses enfants, il se met face à eux, il leur répond, mais une fois qu'il n'y a plus une arabe à répondre, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il reste dans sa position, dans la mosquée Moukine, il veut adorer, il veut Moum. Il a terminé, il est occupé, il a terminé, et il continue sa vie. Et pourtant, c'est un serviteur, là on a affaire à Amir al-Mu'minin. Donc l'adab, il reste, il leur donne leur rang. Amir al-Mu'minin, c'est une obligation de donner leur rang. Il ne faut pas utiliser ça pour dire qu'il n'y a pas de respect. Le respect, il reste. Mais simplement, le temps, il est comme ça. ثم قال سليمان لابنيه سليمان جاء ses enfants قوما levez-vous فقام ils se sont levés donc il leur dit donc après ils sont levés يا بني نتينا في طلب العلم فإنني لا أنسى دلنا بين يدي هذا العبد الأسود donc ils se sont levés et il leur dit oh mes enfants par rapport au fait de vouloir apprendre la science. Certes, donc je n'oublie pas de quoi, afin que vous me rappeliez, afin que vous vous ramenez tout le temps à ce serviteur noir. C'était un serviteur, c'est pas qu'ils sont couleurs, c'était un serviteur, mais regardez la place qu'il a. Et on lui pose des questions sur quoi? Sur le Hajj. On sait que Masail et le Hajj, elles sont nombreuses. Et de la même façon que l'héritage, si on savait qu'une personne était alim, donc dans Masail al-Hajj, il faisait partie aussi des Kibar al-Ulama. Celui qui faisait les Fetwa fil-Hajj à l'époque des Salafs, sachez que vous aviez affaire au plus grand. Tellement il y a des choses dans le Masail al-Hajj. Et ça commence du départ, du voyage jusque-là. J'ai voyagé, j'ai vu ça, j'ai chassé, j'ai fait. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Le Hajj de la Zawjah est venu, ceci, cela, il y a un enfant avec moi, est-ce que je peux lui faire un. Plein de choses. Ça là. Donc tellement il y a de questions. Tellement il y a de questions dans le Hajj qu'ils allaient voir donc les meilleurs. D'une preuve donc que Abba ibn Abi Rabah était parmi les grands savants de cette époque. Et d'autres. Donc il y a eu énormément de mawali, et spécialement dans le tafsir. Hein, donc mawali ibn Omar, mawla ibn Omar, mawla ibn Abbas, il a créé plein de ce que vous voyez. Donc vous voyez Akrima, Mujahid, Tahab. Plein de mawali, de gens étaient mawali, c'était des serviteurs. Le fait qu'ils restaient beaucoup avec leur maître, ils ont appris beaucoup d'eux. Jusqu'à ce que ce soit devenu donc des personnes qui sont mentionnées jusqu'à maintenant. Parce qu'Allah les a élevés dans la science. Donc, قال الحربي وكان محمد ابن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه. Donc Mohammed ibn Abdur, donc le Harbi dit, Rahmoullah, Mohammed ibn Abd al-Rahman al-Awqas, donc son cou était entré dans son corps. Donc des fois on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas de cou. Ça, on voit la tête très proche du corps. وكان منكباه خارجان كأنهما زجان. On voit leurs épaules qui sortent comme si c'était des coudes. Donc il a des défauts physiques. Et Marlowe, que les gens, souvent, qui sont comme ça, ils sont souvent de côté, aux yeux des gens, qui sont de côté. Faqalat lahu ummuhu, c'est sa mère qui lui dit, Ya bunayya, la takunu fi majlis qawmin illa kunta al-madhuka minhum, wa al-mashkura bihi. Donc, ô mon fils, ne sois pas dans une assise avec les gens. Chaque fois que tu seras dans une assise avec les gens vont se moquer de toi. Ils vont rire de toi, ils vont se moquer de toi. Tabi'at al-insan, surtout les chevaux, surtout les enfants, ils vont se moquer facilement. Fa'alayka bitalab al-ilm. Apprends la science religieuse. Fa'innahu yarfa'uk, car cette science, elle va t'élever. Fa'waliya qada'a Mekka 20 sana. Il a oublié sa mère, il a fait, jusqu'à ce qu'il est devenu le juge de Mekka pendant 20 ans. Le juge de où, encore une fois? De Mekka. Il m'arrive que il y a des villes dont la science n'a jamais disparu. Depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos temps, c'est Mekka, Médine. Il y a des villes où la science n'a jamais disparu. Et Jalil Saïf disait que la science, à toute chaque époque, il y a toujours eu de la science. À Mekka et à Médine, la science n'a jamais disparu. قال وكان خصم إذا جلس إليه بين يديه يرعد حتى يقوم. Donc la personne, donc celui qui avait les gens lorsqu'ils étaient en litige et qu'ils allaient chez lui, donc ne bougeaient pas, ils restaient humbles, ils ne bougeaient pas, ils étaient en respect devant lui jusqu'à ce que lorsque l'a jugé, il se lève et après il parte. Il ne se permettait pas donc de bouger avant lui. Donc ça c'est une preuve à Kulhal de l'importance de Mohammed ibn Abd al-Rahman al-Awqas. قال يحيى ابن أثم قال رشيد ما أنبل المراتب قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين قال فتعرف أجل مني قلت لا قال لكني أعرف رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رشيد يعني يكون سيد رشيد Harun al-Rashid, hein, donc un des grands émirs, il dit, donc il dit, est-ce que tu connais quelqu'un le plus noble, qui a donc la position la plus noble, qui a le degré le plus noble? Il dit, ce dont toi tu es, ô Amir al-Mu'minin, donc parce que tu es l'émir. Il lui dit, est-ce que tu connais donc le plus important ou plus grand que moi? Il dit non. Mais lui, donc Harun al-Rashid dit, moi je le connais. Un homme qui est assis sur une assise et qu'il dit un tel m'a dit d'un tel de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il enseigne la science, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que la science c'est qala laka ar-rasul. Ça passe par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala qultu ya amir al-mu'min ahada khayrun minka wa anta ibn am rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ô émir du mu'minin, des croyants, est-ce que cette personne est meilleure que toi alors que toi tu es le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou liya a'ad al-mu'minin, waliya a'ad al-mu'minin, alors tu es wali al-a'ad, tu es donc celui qui a été choisi, donc chez les croyants, c'est-à-dire en réalité c'est lui, donc l'émir des croyants, qala na'am, il dit oui, wailaka hada khirun minni, malheur à toi, celui-ci, le sassama, est meilleur que moi, li anna ismahu, yani, muqtarinun, bi-ismi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Car son nom est associé au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yamutu abadan. Son nom ne va pas mourir abadan. Haddathani fulan, an fulan. Les gens qu'on mentionne, ils sont morts il y a des siècles. Des siècles. Et pourtant, leur nom sort. Donc, ici, comme peut-être dans beaucoup de mosquées actuellement. Peut-être alors même. Wa nahnu namutu, wa nahna. Nous, on meurt. Hein, et on périt, donc on fane. Tandis que les savants continuent tant que le temps va exister. Ils vont rester, ils vont perdurer, ils vont demeurer tant que le temps va exister. Donc ça c'est Sharaf, Ayani Sharaf, Ashab al-Hadith. Qala Khufayma ibn Sulayman, Sami'tu ibn Abi al-Khanajir, Yaqul, Kunna fi majlisi Yazid ibn Harun, Wal-Nasu qad ijtama'u ilayhi, Famarra amirul mu'minin, فوقف علينا في المجلس وفي المجلس ألوف فالتفت إلى أصحابه فقال هذا الملك. Donc Khufayma ibn Sulayman dit, j'ai entendu Ibn Abi al-Khanajir dire, certes nous étions dans un majlis donc de Yazid ibn Harun et les gens étaient autour de lui et l'émir des croyants et il s'est arrêté à côté de nous dans le majlis. Alors que dans le majlis, il y avait des milliers de personnes. Il y avait du monde. Donc des milliers de personnes. Et il s'est retourné vers ses compagnons, ses amis, c'est-à-dire l'émir, et il a dit, voici la royauté. Voici réellement la royauté. Le roi, c'est lui, c'est pas moi. C'est l'alim qui, donc, en vérité, montre, en vérité, le chemin du paradis. Wafi tarikh Bardad, l'il-Khatib, al-Bardad, dit Tab'an, rahmallah, an al-Ustaz, ibn al-Amid, قال, ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من رئاسة والوزارة التي أنا فيها. Donc l'Oustaz, donc Ibn al-Abid dit, je ne pensais pas que dans la dunya il y aurait quelque chose de plus délicieux que le fait de gouverner, que le fait de commander, le fait d'être ministre. Je pense à là où je suis, c'est dans ma position, c'est une personne donc du gouvernement, et il disait, je ne pensais pas qu'il y aurait mieux que ça, de plus donc délicieux que cela. حتى شهدت مذكورة سليمان ابن أيوب ابن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعاني الجعادي يعني بحضرته. Donc j'ai vu, donc comment on a mentionné donc Suleyman ibn Ayyub ibn Ahmad al-Tabarani et Abu Bakr al-Ja'af al-Ja'abi, donc devant moi. فكان الطبراني يغلب بكثرة حفظه. Et Tabarani, donc, il était très fort par son hifz, par le fait de mémoriser. وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنه وذكاء أهل بغداد. Et الجعابي, donc, il était plus fort que Tabarani par son intelligence, le fait qu'il soit éveillé et le fait qu'il soit intelligent, donc par rapport donc chez les gens de Bagdad. On sait qu'à Bagdad, Allah a vu qu'à l'époque, à Bagdad, il y en a eu des intelligents. C'était un peuple connu dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont eu leurs époques. حَتَّى اِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا وَلَا يَكَادُ أَحَدُهُمَا يَغْلُبُ صَاحِبَهُ. Jusqu'à ce que leur voix s'élève. Donc on comprend qu'ils ont eu un iqash. Donc un débat vis-à-vis d'un sujet, jusqu'à ce que leur voix s'élève. Donc l'un pouvait, donc jusqu'à ce que l'un aurait pu donc battre l'autre. Faqala al-Ja'abi, indi hadithun, laysa fi dunya illa indi. Il y a chez moi un hadith que je suis le seul à posséder dans la vie d'ici-bas. Qala hatih, donc il lui dit, donne-le. Faqal hadathana Abu al-Khali'a, hadathana Suleyman ibn Ayyub, حدث وحدث بالحديث إلى دكتور المنصور الحديث فقال تبراني أنا سليمان ابن أيوب. Donc ce qu'il a mis dans la chaîne de transmission, et en face de lui il y avait Suleyman. Il dit c'est moi Suleyman ibn Ayyub. ومني سمع أبو الخليعة فاسمع مني حتى يعلو إسنادك. Donc il dit écoute de moi, comme ça maintenant ta position vis-à-vis de la chaîne de transmission va être haute. C'est-à-dire qu'ici, Ja'abi aura plus besoin de passer par Abu Khali'a. Il passe directement par Abu Ayyub. Vous comprenez? Donc il se retrouve, on appelle ça Isnad Ali. Comme plus tu vas monter, plus tu vas te rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu seras dans l'Isnad Ali. Donc il lui dit, passe par moi. Et comme ça, il n'aura plus besoin de dire, Yani Haddathani, Abu Khali'a, il passera Abu Khali'a, il passera directement par moi. Fasma' minni hatta ya'lu isnaduk. فإنك تروي عن أبي خليعة عني فخجل الجعابي وغلب الطبراني. خجل دوك إذا il a perdu ses moyens, donc الجعابي et الطبراني donc a gagné ici par rapport à ce hadith, parce que je t'ai dit je vais mentionner un hadith que je suis le seul à avoir montré que c'est par la science qu'on prévaut les gens. C'est une preuve, ça, c'est pour montrer que c'est par la science que la personne en vérité donc a été donc supérieure. قال ابن العميد فوجدت في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني. J'aurais voulu fortement, وجدت يعني à la place que je suis, que الوزارة le fait d'être ministre, والرئاسة le fait de gouverner, donc ne sont pas chez moi et que j'étais à la place de Tabarani. Il aurait voulu changer sa position par rapport à la position de Tabarani, sa place. وَفَرِحْتُ مِثَ الْفَرَحِ الَّذِي فَرِحَ بِهِ التَّبَرَانِي لِأَجْلِ الْحَدِيثِ أَوْ كَمَا قَالَ. Et j'étais heureux, afin d'être heureux, hein, comme il a été heureux, donc Tabarani, lorsqu'il a mentionné donc le hadith. Il était heureux de cela. C'est pas de rire, il était heureux de cela. En vérité, c'est un khair. Ils savent la position dont Allah Azzal les a graciés. Ils remercient Allah Azzal pour cela. قال المزني رحمه الله سمعت الشافعي رحمه الله يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل مقداره ومن تعلم اللغة رق تبعه ومن تعلم الحساب جزل رده ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. Donc même Shafi'i dit rahmallah, celui qui apprend le Coran, donc sa valeur augmente. Celui qui regarde dans le fer, donc celui qui recherche dans le fer, ça aussi, même toujours sa valeur, donc va aussi être plus noble, il va devenir donc plus noble. Celui qui apprend la langue, son tabr, sa nature va être plus douce. Celui qui apprend le hisab, les comptes, donc ses idées seront meilleures. Donc il sera, Rayuhu, il sera en vérité plus perçant, quoi, ses idées ou bien son intelligence sera plus perçante. Et celui qui écrit le hadith, ses preuves sont plus fortes. Qawiyat hujjatuhu, ses preuves seront donc plus renforcées. Et celui qui ne se protège pas, donc sa science ne va pas en vérité lui être profitable. Se renforcer par quoi? Vous avez compris la parole? Comment tu veux te protéger? Par la force. Bil hadith ici. Vous comprenez? Ça revient à ce qui était avant. Donc c'est lui qui ne se protège pas. Tu peux être bon dans les mathématiques, dans le hisab, la filora, mais si tu n'as rien dans le din, ça te sert à quoi? Si tu ne connais pas le vrai du faux de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça te sert à quoi? Est-ce que les gens, ils disent, il y a un vrai hadith, il y a un vrai verset, il y a un courant verset? C'est pas le problème dans le Coran, ça, là. Le problème, il est où? Il est généralement dans les hadiths. Est-ce qu'il est authentique ou pas? On ne dit pas verset authentique, verset faible, là, verset hassan. Ça n'existe pas, ça. Vous êtes d'accord? C'est dans le hadith. Donc, il y a sous nefstahu fi aïché. Fi kitabat al-hadith. Vous avez compris? Cette parole, elle revient ici à la hujja. Qui est donc quoi? Qui est ici le hadith? Il dit, wa man lam yasun nefstahu lam yadfa'u ilmuhu. Sa science ne lui sera pas profitable. Comme une nes, il y a des alamoun al fakh, lakin yakhudhun bi hadith da'ifa bal mawdu'a. Il y a des gens qui yabni alayhi hukm shar'i. Il y a des gens qui n'ont pas cette, justement, donc ils n'ont pas de science, ils n'ont pas pris d'intérêt du tout même sur la science du hadith. Ne serait-ce qu'un minimum, histoire de pouvoir en vérité se protéger. Ils apprennent beaucoup de masail de fiqh et ils vont donc bâtir des règles religieuses à partir de hadiths qui sont faux ou qui sont faibles. Vous voyez un petit peu les dégâts qu'ils vont faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'est pas protégé. Ils ne s'est pas protégé par le fait de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Les ulama demandent bien de connaître le tawhid, de connaître donc la science du hadith et de connaître les sciences des bases du fiqh, afin de pouvoir justement donc ressortir les règles à partir de vrais hadiths. Et d'être protégé, bien sûr, par rapport au tawhid. Ces trois sciences-là vont être fortement profitables à celui qui va enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sufyan al-Thawri, man arada ad-dunya wal-akhirah fa'alayhi bi talab al-ilm. Donc Sufyan al-Thawri, rahimahullah, celui qui veut la vie d'ici-bas et l'au-delà, qu'il apprenne la science. Il va être respecté dans l'au-delà. Il va être un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Les gens vont l'aimer, même s'ils n'ont jamais vu. Les gens voient qu'il y aura toujours, il va avoir donc une belle façon de vivre, une simple façon de vivre, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui en plus donc le récompenser pour l'au-delà. Qala Abdullah ibn Daoud, sami'tu Sufyan al-Thawri yaqul, inna hadha al-haditha 'izzun, faman arada bihi ad-dunya wajadaha, wa man arada wajadaha. Voyez, il dit donc le Sufyan al-Thawri, certes ce hadith est izz. Donc l'izza, on sait que ça, vous savez ce que c'est que l'izza? C'est une sorte de fierté, permise. L'izza, donc c'est en réalité une sorte de fierté avec noblesse. Donc celui qui veut, la dunya, il l'aura. Et celui qui veut l'au-delà, il l'aura. Dans le hadith, il l'aura, inshallah, les deux. Wa qala an-nadru ibn Shumayl, man arada an yushrifa fi dunya والآخرة فليتعلم العلم وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في الدين الله ويكون بين الله وبين عباده. النظر ابن شمال dit, celui qui veut donc un yashrufa, celui qui veut être noble dans la vie d'ici-bas, dans l'au-delà, qu'il apprenne donc la science. Cela est suffisant pour la personne d'être heureuse, donc d'être en vérité donc bien vu, ou bien yuthaq bihi. Donc, justement, qu'il soit en vérité sûr, qu'il soit sûr par rapport à cette science dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, yufaq, dans le sens où on le reconnaît comme quelqu'un de sûr. Et il sera entre Allah azzajal et entre ses serviteurs. Parce que toi, tu reçois la science d'Allah azzajal, mais tu fais profiter qui? C'est les serviteurs d'Allah azzajal. Donc, c'est entre les deux. Tu es en vérité entre les deux. La personne ne peut pas arriver à Allah Azzajal que par passer par la science. Et qui, c'est quoi la science? La science, avant d'arriver au livre, il y a quoi? Il y a le cadna. Et le cadna là, pour, c'est qui? C'est l'explication des ulama. C'est comme ça, le livre était fermé. Même si tu l'ouvres, mais si tu n'as pas connaissance, tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a dedans. Tu vas te tromper. Donc ce cadna là, tu veux l'ouvrir. Il te faut quoi? Hein? Il te faut donc justement que ce soit le savant qui t'explique pour que ce cadna s'ouvre. قال حمزة بن سعيد المصري لما حدث أبو مسلم اللحمي أول يوم حدث قال لابنه كم فضل عندنا من أثمان يعني غلاتنا قال يعني 300 دينار قال فرقها على أصحاب الحديث والفقراء شكرا أن أباك اليوم شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت شهادته. Donc ici, Hamza ibn Sa'id al-Misri dit donc lorsque Muslim, Abu Muslim, l'Akhmi, donc a parlé donc le premier jour, il a parlé donc il dit à son fils, qu'est-ce qui nous reste, hein, donc qu'est-ce qui nous reste parmi nos biens, donc qu'est-ce qu'on a encore. Et regardez ce qu'il dit, kam fadala alina, fadala alina. Le fadl, c'est le ziyada, qu'est-ce qui nous reste, c'est pas, donc qu'est-ce qu'on a en plus. Eux ils voyaient ça comme un plus, c'est pas comme j'ai économisé, j'ai beaucoup d'argent baisse. Pour eux, c'est un plus de maintenant cet argent-là, je dois le dépenser fistabilia avant de mourir. Parce qu'elle-même, on l'appelle elle-même al-muqaddam. Elle-même al-mu'akhar. Elle-même al-muqaddam, afdam il-mal al-mu'akhar. Mal al-muqaddam, c'est ce que tu vas dépenser dans ta vie d'ici-bas. Elle-même al-mu'akhar, c'est ce que tu vas laisser pour tes enfants. Il faut que tu en laisses. Mais il y a des gens qui ne pensent pas du tout à eux et à leurs œuvres, et ils laissent tout pour leur descendance. Ah là là, il regarde sur cette mentalité-là. Il ne vit pas. Des parents qui sont comme ça. Il ne vit pas. Il se dit comme ça, moi j'ai laissé quelque chose pour mes enfants. Mais il s'est oublié. Il a fait un khair, mais pour oublier un plus grand khair. Parce que ça, c'est des hasanets pour lui s'il fait du bien avec cet argent dans la vie. Il en a besoin. Parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver après lui. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'il n'y a pas un de ses enfants qui va ouvrir peut-être une boîte de nuit avec cet argent. Allahu a'lam. Ça là là. Tandis que lui, s'il est croyant, ça lui de faire le bien avec ça. C'est pour ça qu'elle mêle le muqaddam aula wa afdam min al-mal al-mu'akhkhar. Voyez? Hein? Fatanz al-nafs ma qaddamat li ghad. Ma qaddamat li ghad. C'est ça le mêle le muqaddam. Donc regardez, c'est pour ça qu'ils disent souvent on voit wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ils disent ça aux compagnons, du prophète, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ils dépensent, hein? Dhahaba yani le mutafaridun par rapport au zikr, le hadith qui est un peu long. Ils dépensent, hein, c'est-à-dire ils ont de l'argent en plus, ils dépensent de cela. Ils en font des sadaqas. Les tasadaqas, ils font des hommes. Hein. Mais ils ne cherchent pas à arriver à un summum. C'est pas ça, l'argent, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Donc on devrait réfléchir comment ça va être fait par rapport à ce domaine-là pour justement faire pareil qu'eux. Donc il dit 300 dinars. Dis-lui donc, partage-les. À qui? Aux gens du hadith et aux pauvres. En remerciant, car certes, ce jour-là, Allah, donc, il a, ce jour-là, donc ton père a été témoin donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa shahada a été acceptée. Donc par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a encore d'autres paroles, mais on va les passer inchallah. Donc elles reviennent souvent en cela. Donc c'est le même point. Les autres paroles donc qui reviennent en même temps. Le wajhu al-sadis wa ashar ba'd al-mi'ah. Le 116e point. Al-ilmu yumayyizu sahibahu. La science donc va différencier donc la personne de science. Inna al-nufusa al-jahala allati la ilma 'indaha qad ulbisat ثوب الذل والازدراء والازراء عليها وتنقص بها اسرع منه الى غيرها. هذا امر معلوم عند الخاص والعام. قال الاعمش اني لا ارى الشيخ لا يروي شيئا من الحديث يعني فاشتهي ان اطمح فأشتهي أن ألتمه. وقال ابن معاوية سمعت الأعمش يقول من لم يطلب الحديث اشتهى أن أصبعه يعني بنعليه. Donc c'est comme ça en réalité, donc il montre en réalité donc l'ignorance, et comme quoi que l'âme qui n'est pas donc qui est ignorante et qui n'a pas de science, et donc c'est là cette personne-là s'est habillée de l'habit de l'avilissement. Et il y a donc et lui il sera bien sûr plus prompt à avoir des manquements que n'importe qui. C'est pour ça que cela est connu chez tout le monde. Al jahil, enfin, des fois on va dire le sot, un exemple du village ou quoi, n'est pas respecté. Plus la, moins la personne a de la science, moins elle est respectable. Et ça c'est dans tous les domaines de la science. L'Armèche disait donc, certes, lorsque je vois le shir, qu'il ne rapporte pas, ne serait-ce qu'un hadith donc, du prophète, donc j'ai envie, donc on va arrêter de lui causer tort, donc de lui faire du mal. Donc même avec ses chaussures, même avec ses chaussures. C'est pour montrer que la personne ne doit pas rester comme ça. قال عثمان بن علي سمعت الأعمش يقول إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فإنه يعني من شيوخ القمرة. Donc il continue tout le temps à dénigrer Abu Lahab ici aussi. Il continue tout le temps à dénigrer. وقال سفيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال لا جزاك الله خيرا عن الإسلام. Imaginez-vous un petit peu. Là on a affaire à des paroles qui sont crues. Elles sont crues. Mais qu'est-ce qu'il a fait donc parce que nous, on tellement vit dans cette ère d'ignorance. Mais regardez comment ils étaient avant. Sofiane Thori, il dit donc que s'il voyait un shir qui n'écrivait pas le hadith, il disait qu'Allah donc, ne te répense pas pour l'islam. Qu'Allah ne te répense pas, on entend bien pour l'islam. وقال المزني كان الشافعي إذا رأى شيخا سأله عن الحديث والفقه فإن كان عنده شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام وقد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. المزني لا même chose. Il dit que l'imam Shafi'i, on les connaît pour leur gentillesse et l'akhiri. Il voit un homme, il lui pose la question sur le hadith et sur le fiqh. Est-ce que cet homme a quelque chose dans l'ilm? Donc la personne lui dit non. Si la personne lui disait Alhamdulillah, c'est lui disait non, il disait donc qu'Allah ne te répense pas pour toi-même, donc qu'Allah ne répense pas toi, ni pour l'islam, car tu t'es perdu, et tu as perdu l'islam, et tu as perdu donc l'islam. Al-Wajhu al-Sabi al-Ashar ba'dinya. Donc le 117e point. Al-Ilmu kanzun. Anna kulla sahibi بداعة سوى العلم إذا علم أن غير بداعته خير منها زهد في بداعته ورغب في الأخرى وود أنها له عود ببداعته إلا صاحب بداعته العلم فإنه ليس يحب أن له بحظ منها يعني حظا أصلا. Donc chaque personne qui a un bien à part la science lorsqu'il sait que quelqu'un d'autre a des biens, on va dire un lot, un exemple, donc des affaires, donc de la marchandise, quelqu'un qui a de la marchandise, à part la science, s'il sait que quelqu'un d'autre a une marchandise qui est meilleure que la sienne, va délaisser sa marchandise et va vouloir la marchandise de l'autre. Il va vouloir qu'elle soit avec lui, et il sera prêt même donc, à l'échanger, sauf celui qui a la marchandise de science, car lui ne voudra jamais donc changer sa science pour autre chose que cela. Tout s'échange, mais la science ne s'échange pas. قال أبو جعفر الطحاوي كنت عند أحمد ابن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لي كأني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم قال هل أدلك على خلة هل لك أن يحول الله عز وجل إليك ما عنده من المال ويحول إليه ما عندك من العلم فتعيش أنت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرا قلت ما أختار أن أحول الله ما عندي من العلم إلا ما عنده فالعلم غني بلا مال والعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال. Vous voyez un petit peu la parole ici, donc de Abu Ja'far al-Tahawi, qui était donc chez Ahmad ibn Abi Imran. Et un homme riche y passait, opté de lui, une Bani Dunya, quelqu'un de riche, ça se voyait donc en lui qu'il était riche. Je l'ai regardé, cela m'a même déconcentré, dérangé, donc par rapport à ma Muzakara. J'étais en train de lire, donc de réviser, d'apprendre. Et alors il me dit, donc Abu Imran, il me dit, c'est comme si tu regardais donc cette personne-là, et que tu réfléchissais sur ce dont Allah lui a donné comme bienfait dans la vie d'ici-bas. Il dit oui. Regardez les ulama, comment ils ont donc cette intelligence, ils voient, ils sont perspicaces. Il dit oui, il lui dit, ne vais-je pas te montrer donc quelque chose? Est-ce que tu voudrais qu'Allah change donc ce qu'il y a en lui et qui vient chez toi, qui te donne ses biens, et qui change ce qu'il y a en toi et qui va chez lui? Donc tu vivras riche mais ignorant, et lui vivra savant et pauvre. J'ai dit, je ne désirerai pas, donc je ne choisirai pas qu'Allah justement change en moi, enlève en fait ce qui est ma science pour lui donner à lui, et donc je serai et le contraire aussi, donc lui qui sera donc savant et pauvre, car la science est une richesse sans argent. Il dit donc ici, l'ilm, il n'est rien bila amal. La science est une richesse sans argent. Et izz, donc cette noblesse, sans qu'il y ait du monde autour. Bila ashira, j'ai pas besoin d'avoir donc une tribu autour de moi qui me dise du bien de moi, l'akhiri, qui m'entoure, qui me protège, l'akhiri. Et son âme, hein, sans homme. T'es un gouverneur sans homme, tout seul. Donc tu enverrais toutes ces qualités-là, sans, alors que tu es tout seul, rien par rapport à la science. Donc tu seras riche, tu auras l'Izzah, tu seras sultan en même temps. Donc c'est la preuve que c'est un kenz. C'est une preuve que c'est quoi? C'est un kenz, c'est un trésor. Dont tu ne voudras jamais donc le changer. Dernier point, donc le 118e point, l'ilmu min ahsan al-jaza. La science est donc parmi les meilleures récompenses. Anna Allah subhanahu akhbara annahu yajzi al-muhsinina ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wa akhbara subhanahu annahu yajzi 'ala al-ihsan bil 'ilm wa hadha yadullu 'ala annahu min ahsan al-jaza. Certes, Allah donc mentionne qu'il donne aux muhsinin, aux gens de bienséance, donc leur récompense, et cette récompense sera encore meilleure de ce qu'ils ont fait. C'est impossible que nos actes soient meilleurs que la récompense. La récompense, elle peut être que meilleure, parce que ce qui est au paradis est bien meilleur que ce qu'on fait. On fait des choses avec manquement. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc récompense par la bonté, par la science. Cela est une preuve que la science, donc quoi, est donc parmi les meilleures récompenses. Amma al-maqam al-awwal, fa fi qawli ta'ala alladhi ja'a bi-sidqi وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم سوء أسوء الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Dans sourate Zumar, verset 33, verset 35. Sourate Zumar, c'est la sourate du Tawhid, comme on l'appelle. On l'appelle sourate du Tawhid. Donc celui qui vient avec la vérité et a été véridique avec cela, ce sont eux donc ceux qui craignent, al-muttaqul. Donc ils auront tout ce qu'ils veulent de la part de leur Seigneur. Voici donc la récompense des bienfaisants, afin qu'Allah efface, expie les mauvaises choses qu'ils ont fait, et leur récompense de la meilleure façon sur ce qu'ils ont fait. Parce que, et en plus, il n'y a pas mieux que le haine pour justement se faire effacer les péchés. Et on l'a vu auparavant, hier. Donc, هذا يتناول الجزاءين الدنيوي والاخروي. Donc, la récompense sera faite dunya wal akhira. أما المقام الثاني, deuxième point ici, il dit, ففي قول تعالى, ولما بلغ شده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Soit Youssouf, lorsqu'il arrive donc, à Shudda, c'est-à-dire la quarantaine, comme on dit, c'est 40 ans. Lorsqu'il arrive à l'âge mûr, on parle de 40 ans. On lui a donné la sagesse et la science. Voici comment on récompense donc les marsinines. Il n'y a pas meilleur que récompense que cela. قال الحسن من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله الحكمة عند كبر سنه. Donc Al-Hassan dit, celui qui adore bien lorsqu'il est jeune, lorsqu'il adore bien Allah Azza wa Jal, lorsqu'il est jeune, Allah le rencontre en lui donnant la sagesse lorsqu'il sera âgé. Lorsqu'il sera âgé. وذلك قوله ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما وكذلك النجم محسن. Donc il donne le verset de Sourate Yusuf, verset 22. وهذا ومن هذا قول بعض العلماء تقول الحكمة من تمسني فلم يجدني فليعلم بأحسن ما يعمل وليترك أقبح ما يعلم فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفني. Donc donc la sagesse, certains savants ont dit que la sagesse dit ومن التمسني, ce qui me touche et qui ne me trouve pas, donc qu'il fasse, c'est en vérité celui qui apprend, donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il ne m'a pas vu, donc qu'il mette en pratique de la meilleure façon et qu'il délaisse donc les choses les plus mauvaises qu'il connaisse. Et s'il fait cela, donc je serai avec lui même s'il ne me connaît pas. C'est-à-dire il sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, non seulement Yom al-Qiyamah, mais aussi fil akhirah. Il sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà ici il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que certains salafs ont dit allez vous asseoir dans les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les assises du hadith. Et des gens ils disaient, laissez-moi, car je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il disait le hadith. Donc il est avec moi, alors que pourtant, il ne me connaît pas dans le sens, mais, hein, il ne m'a pas vu dans le sens, il me connaît à travers les livres, mais il n'a pas été parmi mes compagnons. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc le prochain dars, Inch'Allah, pour moi, c'est donc le dernier cours de ce soir. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.